Nous sommes à Champlan, dans la commune de Grimisois, à quelques minutes de Sion. À l'occasion de la troisième journée des Patoisans, nous avons le plaisir de présenter le programme de cette émission consacrée au Bletset, excellent groupe patoisant de la région. Il est bon de souligner que le mot de Bletset vient de blec, c'est-à-dire humide. C'est le surnom donné par les voisins aux habitants de Champlan et de Grimisois. Voici pourquoi. La région de Grimisois est située sur une éminence rocheuse qui souffrait régulièrement de la sécheresse. Actuellement, ce n'est plus le cas grâce à la construction de deux bis. Comme il y faisait très sec, les voisins, pour s'en rire un peu, les appelaient les humides, c'est-à-dire les blecs, et les femmes les bletsettes. Ce qui était autrefois plutôt une humiliation est devenu aujourd'hui un terme flatteur mis à l'honneur par l'intéressant groupe folklorique de la région. Avant de leur donner la parole, je me permets de vous dire deux mots en patois des Volaines. Le patoué est fataka. Critica, un cercle à l'arrigier comme l'herbe des champs. Valijan, mio frère, qui m'achouctas, veni lo défendre. On n'était pas de la rache des caponges. Faut pas avoir vergogne. Oyen docton, nos jardins de nombreuses réunions, des amicales, ne manqua pas de venir. Faut défendre le patoué. Le patoué est l'âme d'Opaïk. Nous allons commencer ce programme par le dialogue de deux commères, de Champlan, Madame Catherine et Madame Philomène. L'une veut se rendre à Lausanne pour faire une visite au consul du Valais à Lausanne. Elle a peur de s'y perdre et va demander des renseignements à sa voisine Philomène, qui, elle, connaît bien Lausanne, puisqu'elle y est restée une semaine. La voisine Philomène va lui raconter toutes les aventures qu'elle y a vécues. Écoutez-les. Philomène! Philomène! De quoi tu es? Hé, t'as dit pas l'hôtel d'une minute, donc t'as demandé quelque chose. Ben, ben, on l'a dit. Sa tête qui m'a roue. Il est venu de recevoir une lettre de Lausanne, il faut partir à Lausanne. E poi, tu sai, ne trovo più dalla valle. Pode? Ne trovo più di me, Pedro. Andi che è talmente gru, Lausanne. E poi che è talmente di mondo, di giotto, e tu sai, ne trovo più di pa' me, sai, me ritrovo. Ma di che va tu fare, valle? Le sai, frate, a me. Chi è un frate? Poi tu sai, il consiglio di valle a Lausanne. Oh. Il lì. Sarei ben contenta di vedere. E io sono più contenta di vedere lui, ma d'uso parlo. Ma fu pa' io. Qui, io sono stata che non c'è una madre, non ho di giuetta. E poi ti resta lontano, tu cogli via a Lausanne, dove? Ci resta un asino. Ma ne passò... Tu venisci a voi, me? Ne passò un drôle d'aventure, perciò. Non sai pas a me di traire la campagna. Dì a mamma, lasci partire. Io non sai pas a me di traire a zero. Vedi, deve brigere, lo femmè. E mamma dice, ben, vallo. Ma tu fai intenzione di pas changer lo costume. E tu una buona matte. E fai intenzione di zas. Perché a Lausanne sono meno malinche per ring. Je partis. Et puis mon frère qui est maître d'hôtel au Borivar. Maître d'hôtel? Oui. Oh. Et puis je suis marié à Balé. Je suis venu me rencontrer la gare. Uh-huh. Et donc le frère a dit tout ça que tu vas pas lâcher ce jaillon, ma pering. Parce que Dieu, je suis maître d'hôtel, tout ça que oui, pas que tu portes ce jaillon. Ça fait une honte d'être un paysan là. Ouais, ouais. Je suis là, lui. Et donc je suis là, oui. Le lendemain, et puis tu vas copier les pieds. Il dit, mon Dieu, tu ne veux pas qu'on parle pire, maman, pour vous défendre. Ma, tu n'as pas besoin de te faire du souci, tu ne tournes pas à mèche ou parler quand même. Alors, le lendemain, qu'on parle pire, changer le jaillon. Puis après, il fallait chercher une plage. Et en cherchant une plage pour un café, comme un sommeillier, pour un château, il n'a jamais taillé pour une pire. Oh, ma pour la gueule. Je suis au tsoj, cher vie. Je suis à roi de vieux, monstre en arrose au matin. Alors, première consommation, ma demande. Une pomme et l'autre un pruneau. Je dis, mais madame, vous ne vendez pas des fruits ici. Mais mec, c'est des petits verres de vie. Et des points. Est-ce qu'il peut pas dire un verre de brantouin? Un moment après, il y a un Rouen, un commandant Humboc. Il dit, mais vous trompez sûrement, monsieur, on ne vend pas des bocs ici. Elle m'a dit, vous venez sûrement de Paris, mademoiselle. J'ai dit, non, je ne viens pas de Paris, mais chez nous, on ne vend pas des bocs dans les cafés. On n'a qu'un seul pour toute la commune. Alors, la dame a dit, mais moi, je ne peux plus vous garder, vous ne savez rien servir. On a dès que lui offert que ton nom est parti. C'est-à-dire, ou frère, elle a chui. Ça ne peut pas, il frère, il chui. Il a dit, mais que tu pouvais pas, mais. Bon, j'étais coq, Adin, j'étais rien qu'à ton âge, va lire, dès que l'on nous garde. Il dira pas, mais le. Tchandja, j'aillon, copa les pis, comme il y a ton âge. Non, personne. Tu es parti, t'as dépêché, toi, dans les. Et t'étais pas de perdus. Non, non. Et puis, dépêché. Oui, dépêché. Oh. Et pouchoupou, m'intérieur. Il est quand même formidable. Adon. Quand j'ai à Roi à Chion, je contrôle une zone de Samplan. Il a dit, maman, comment j'ai fait? Il n'y a pas Wedzo qui était youth, il a un costume, à la montre, un costume. Et puis, oh, t'es déjà la grande monde. Il dit, mais la grande monde. Bon, rien. Comment la grande dame, d'attendre. La grande monde. À Roi à Chion, Samplan. Et maman, elle est fou, je suis en train de distiller, on a petit à Chion. Elle dit, quand ça nous vient, la grande amoujelle, le carou. Puis elle fait, ouh, maman. Il est tiré en libido, mais nous, que t'en es déjà de Lausanne. Je ne t'aurais pas, mais par là, l'on pas tué, pour vous être que t'es tabalé. Comment t'as déjà changé le costume? Il dit, rien, c'est ma coucaèche. T'as copa les pis. Tu vas immédiatement repartir à Lausanne, faire recoller vos pis. Et c'est qui c'est qui peut recoller? Adon. Il dit, mais comment faut-il faire, ami? Balé, mes cinquagnes, ink, mes cinquagnes. Eh bien, non, il faut toujours te pas mis de boucan. À nous, il y a comme un grand hôtel, cette maison, des départs et des arrivées, sans arrêt. C'est tout. Attends, tu pourrais pas y dire, oui, mais toi, tu connais bien Lausanne, tu connais comme bien tes quatre zoos. Comme on n'est pas mis l'hôtel, tu comprends? Il me faut que je n'aille pas, il me faut tout faire, il y a la famille. Oui, ça peut, d'amant. Eh bien, à revers, donc. À revers. Il y a rien qu'à foutre au camp, on va dépêcher. Maintenant, vous allez entendre la petite Marie-Jeanne Aymon, 8 ans, de Champlan, qui va vous réciter la prière à Notre-Dame de la Nativité. Elle va demander à Notre-Dame de venir au secours des gens de la région, dans les travaux, dans les mayens, sur les sentiers escarpés, partout et toujours. Cette belle prière a été composée par le Père Zacharie. Notre-Dame, bonne à Notre-Dame. Vous êtes tant zen, vous êtes tant pidja du monde. Venez vous souplir à Zenouyo. Des midiers à rester, brave et des bonnes à grâce toute ma vie. Voudrais jamais vous faire pleurer comme voudrais pas faire pleurer la maman nous. Prie pour toi, loco volant. Et tout Paris pour toi, le covolant mon pas. Il dit mes pélévards, pélé-tsins, pélé-pas, et pélé-hens. Il dit mes outenifères, et dit records, et dit genèns. Il dit mes choumains, et y'a montagne. Il dit mes pertos tant coudard et chauffe. Voulant mérite tordio, pis déjà des tuines. Le Père Zacharie, excellent patoisant, a également composé un bénédicité où il demande à Dieu de bénir la famille, de bénir tout ce qu'il nous donne, de bénir le monde entier et de donner du pain à tous les affamés. Cette prière sera récitée par Régine Grand, âgée de 8 ans. Brezen couli par la lopatoui. Vous jetez pour Dena. Ma diane qui m'indie au prier. Et l'incoura m'a dit de niveau faire la prière. Qu'il y bonjour nous bénéjige tout chien qui nous baille. Que bénéjige à oué tout le monde. Et baillé chez des pains à tuis le qui enfin. Aura, l'audiez-vous. Le Père Zacharie va nous raconter une légende sur Montorge. Montorge est une colline rocheuse et abrupte située à l'ouest de la ville de Sion. Elle est couronnée par les ruines d'un ancien château. Au pied de cette colline, du côté nord, se trouve le petit lac de Montorge, au fond duquel on voit encore, d'après la légende, les murs d'une ville qui fut autrefois la ville de Sion. Jolie et plaisante, la ville possédait le plus beau château du monde. Les habitants étaient riches. On racontait même qu'ils buvaient l'or à la cuillère. Mais finalement, ils ne faisaient que le mal. Une nuit d'hiver, sous les rafales de neige, arriva sur les lieux un pauvre déguenillé de pied en cap. Il va frapper à toutes les portes. Une seule famille le reçoit. C'est celle d'une pauvre veuve, toute avec ses trois petits-enfants. Le pauvre y boit, y mange et y passe la nuit. Vers le matin, la veuve entend un bruit comme si tout descendait et comme si tout disparaissait dans l'eau. Au grand jour, elle sort pour regarder ce qui s'était passé. Seule sa maison restait debout au bord du lac. Le pauvre était le bon Dieu. Il a puni les Sédunois de ne pas l'avoir hébergé ni de lui avoir donné un morceau de pain. Dans le temps vieux temps, Sion il est dans Montorge. Pas grouche, ma zente et plaisante a déjà la crête, les villes aillent le plus vieux cité du monde. Les habitants iront riches et contents que billons l'eau à couler, ma pofronie faisant rien mais que demain. Une année de veille, couchée la nuit, il y a roulé un pauvre, tôt de trachia ni à son affond, regroupé à des fruits et brun de fond. Il est à tapa pour la maison pour choper un bocon de pain, et pour pouvoir chez Tsuda une cochette. Il a bouché à perto, mais non le ta bergia. Les coups du moucherats, il est mieux cru que chez du cru. Quand il y a roi outre à Tsaon, chobra et pas mec une pauvre barraquette de en lui. Il y a tes carcons, dit les pauvrettes en tapant sa peau. Ouais, venu hors. Il y a pas été à coche, car où est four une mare qui porta à grave. Stiche me à Zenolion et chouplie pour aller à Yen chez Ritsuda et pour mendier un mois de pain. Chez une pauvre veuve, où est très jeune fanette. N'en plus pas trop à porno, mais ni pieillant, ne partagerait rien chez qu'il mais heureux qu'on rouait les pauvrettes vaillants. Il y a sénat ensemble, bon, il a fallu un tamal, des ripans, des chiles, et resta encore un petit crocherette de motte. Il y a prêt ensemble le pâte, comme un fagio en torzo. L'hiver, il a mis tout dormi les enfants, et il a préparé un pelouchou pour le pauvre derrière le fournet. Quand il est à outre pour l'année, stiche lui et dit à la veuve, « Te faudrait pas y puire quand viendrait outre chou le matin. » Tu avouerais chonner les cloches et puis un monstre carnage. Tu bougerais pas, mais tu attendrais qu'il fût chez Biozo pour sortir de maison. Dieu l'aurait. Et les pauvrettes y a disparu. Sous le matin, les veuves y a eu un vacarme comme un fût toqué à tabac et comme un fût tout le temps flonga. Y a rien d'ardafour, mais y a prêt pour les morts. Quand y est à Biozo, y est à Kouka, chanquer la roi. Choba et pas rien que les maisons alliées drissent dans le lac. Les pauvres, ils sont les bonjours, et ils ont puni des chions à cause qu'ils ont pas voulu le taberger et ils balayaient un bocon de pain. Voici une petite scène. Le mari jaloux. La femme va travailler au jardin. Un militaire l'accompagne et le mari les voit. Cela provoque la scène que vous devinez. Madame Philomène Roux et M. Martin Huignet de Champlan vont vous la chanter. Ah ouais, t'es toujours châssis, chaque ouaré soka de zana. Ah ouais, t'es toujours châssis. Ou courtikiri de brelette, tant zen, tant bon, tant bravo zogé. Ou courtikiri de brelette. kiti kira wete. Shako ware soka de zana, kiti kira wete. Ire renko na kumare, tambon tanzen tambra ozoje. Ire renko na kumare. Le drole yam pa de tsase, shako ware soka de zana. Le drole porton pa de tsase. Aie trașara șun cote, tam bon, tam zen, tam brao zoje. Aie trașara șun cote. Le drole porton pa de șabru. Shako ware soka de zana, le drole porton pa de shabru. Porta e una colonieta, tan zen, tan bon, tan brao zoje. Porta e una colonieta. Le drole iampa de mostaze, shako ware soka de zana. Le drole iampa de mostaze. Ai pașalu di pelo bronze, tan zen, tan bon, tan brao zoje. Aie pașalu di pelo bronze. Udroja mi te vere dânșe, shako ware soka de zana. Udroja mi te vere dânșe. Tu puri portam pa me toa, tam bon, tam zen, tam brao zoje. Tu puri portam pa me toa. Na marenke te freja, shako ware soka de zana. Na marenke te freja. Là-haut sur la montagne, chanson du père Zacharie Ballet, chanson du célibataire. Sur la montagne, j'ai bâti ma maison, j'y vis seul et je m'en trouve bien. Habituellement, cette chanson s'accompagne d'une danse d'enfant. Maintenant, c'est Mademoiselle Ginette Roux qui va la chanter. Il nage sous la montagne.